السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يقول الله عز وجل في كتابه الكريم وما بكم من نعمة فمن الله Allah dit dans son livre, il n'y a pas un bienfait qui vous provient, ce qui ne vient d'Allah. Donc tous les bienfaits que chacun d'entre nous, il a entre ses mains, ce bienfait-là, il vient d'Allah Azza wa Jal. Wa yaqulu Allah Azza wa Jal, wa in ta'uddu ni'mata Allah la tuhsuha, innal insana la zalumun kaffar. Allah dit dans ce verset, il nous montre dans ce verset, que si on essaie de compter les bienfaits qu'Allah nous a donnés, on ne pourra jamais les dénombrer. Allah est dit dans son livre, وَإِذْ تَأَذَّنَا رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ Allah est dit dans ce verset que si parmi ses serviteurs, ceux à qui il a donné ses bienfaits et qu'on le remercie, Allah va nous augmenter de ses bienfaits. وَإِذْ تَأَذَّنَا رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ Donc, la personne, plus elle va remercier Allah Azza wa Jal sur les bienfaits qu'il lui a donnés, et plus Allah, il va lui augmenter de ses bienfaits. Et le plus grand bienfait qu'Allah nous a donné à nous, la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le bienfait de l'islam, la religion qu'Allah nous a choisie. قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Allah il dit, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et j'ai choisi pour vous comme religion l'islam. Donc Allah il a choisi pour nous la religion de l'islam qui est la meilleure des religions et qui est la dernière des religions. La religion qui est avec laquelle est venu parmi nous le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah il dit dans son livre, Inna ad-din 'inda Allah al-islam, la religion d'Allah c'est l'islam. La religion qu'Allah il acceptera yom al-qiyamah, c'est la religion de l'islam. Donc, celui à qui Allah il a guidé vers l'islam et qu'il a choisi pour lui la religion d'islam, il doit remercier Allah Azza wa Jal. Car tu dois savoir, mon frère, et toi aussi ma sœur, que quand un bienfait te vient de la part d'Allah, tu dois faire, il est obligatoire pour toi, trois choses. C'est de reconnaître ce bienfait, que ce bienfait-là il vient d'Allah Azza wa Jal. Et de remercier Allah Azza wa Jal sur ce bienfait et de faire en sorte de préserver ce bienfait qu'Allah t'a donné. Donc, chacun d'entre nous doit préserver sa religion. Il doit tout faire pour rester raffermi sur sa religion jusqu'à ce qu'il rejoigne Allah Azza wa Jal le jour de la résurrection. Allah il dit وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ Allah il dit, celui qui choisit une religion autre que l'islam, le jour de la résurrection, il sera parmi les perdants. Le jour de la résurrection, celui qui aura choisi une autre religion que la religion de l'islam, ou qui a été parmi les musulmans, et qui après il a lâché cette religion, il est parti vers une autre religion, et il s'est égaré, le jour de la résurrection soit parmi les perdants. Donc on doit tout faire. Chacun d'entre nous doit tout faire pour que le jour de la résurrection reçoit et rejoigne Allah et qu'il rencontre Allah avec la religion de l'islam. Et c'est pour ça que chacun d'entre nous doit faire toutes les causes pour rester sur cette religion. Il doit faire toutes les causes pour s'accrocher à cette religion. Il doit faire toutes les causes pour être raffermi sur sa religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé avec la meilleure des guidées, qui est la guidée de l'islam. Il a dit dans un hadith, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمْ. Certes, celui qui s'est soumis, il a réussi. Et chacun d'entre nous, il sait aussi que cette vie-là, elle est remplie d'épreuves, elle est remplie de tentations, la tentation des femmes, la tentation de l'argent, la tentation de tout mal que nous-mêmes qu'on voit de nos yeux dans cette vie-là. Et c'est pour ça, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous avait prévenu. Il nous a prévenu que dans les temps qui vont venir après lui, il y aura des grandes tentations. Il dit dans un hadith rapporté par le Miqdad ibn Aswad, Inna sa'id al-laman junni bal-fitan. Inna sa'id al-laman junni bal-fitan. Inna sa'id al-laman junni bal-fitan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, bienheureux celui qui s'est écarté des tentations. Bienheureux celui qui s'est écarté des tentations. Bienheureux celui qui s'est écarté des tentations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répété trois fois. Pourquoi il a répété trois fois? Parce que c'était une chose qui était vraiment très dangereuse. Et qui sait qui était très dangereuse pour nous, qui va venir dans les temps qui allait être après lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi dit dans un hadith qui est rapporté par Abu Musa al-Ash'ari. Il dit, Inna bayna yaday sa'a fitan qaqrita 'ala al-layl mudhlim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith que avant l'heure, il y aura des tentations comme les ténèbres de la nuit. Yusbihu ar-rajulu fi muslima wa yumsi kafira. Il dit qu'il y aura des hommes le matin qui vont tomber dans ces tentations là, le matin ils seront musulmans et le soir ils seront mécréants. Et il y en a parmi les autres qui vont le soir, ils seront parmi les croyants, et le matin, ils seront parmi les mécréants. Et c'est pour ça que j'ai choisi le sujet de cette conférence de raffermissement, que chacun d'entre nous, ils connaissent les causes de raffermissement dans cette religion, la religion qui est la religion de l'islam. Et parmi les plus grandes causes de raffermissement sur le djinn, que Allah nous a choisi, la première cause c'est le tawhid. Allah dit dans son livre, وَالَّذِينَ جِتَنَبُوا الطَّاغُوتَ وَالَّذِينَ جِتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادَ. Allah dit dans ce verset, ceux qui se sont écartés du tarot, et parmi les tarot, il y a celui qui se fait adorer en dehors d'Allah. Donc parmi les choses qu'il faut parler de tarot, c'est le fait d'adorer autre chose que Allah. Et Allah il donne sa promesse, il donne la bonne nouvelle à ceux qui se sont écartés du tarot et qui sont revenus vers lui. Allah il dit, ceux qui se sont écartés du tarot et qui sont revenus vers Allah, ça veut dire qu'ils ont adoré Allah sans rien lui associer, lahumul bushra, à eux et la bonne nouvelle. Fabashir ibad, il dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, fabashir ibad, donne la bonne nouvelle à mes serviteurs. Et Allah aussi dit dans son livre, Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa mu'min wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wa la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. Allah dit dans ce verset là, Bala, certes, man aslama wajhahu lillah, celui qui aura soumis son être à Allah azza wa jal wa huwa muhsin, et qui aura fait de bonnes œuvres, falahu ajruhu 'inda rabbih, sa récompense, elle sera auprès d'Allah. Wala khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. Ils ne seront pas pris de peur et ils ne seront pas pris de tristesse. Donc si tu ne veux pas être pris de peur le jour de la résurrection, et ni de tristesse le jour de la résurrection, soumets-toi à Allah Azza wa Jal. Soumets-toi à Allah qui t'a créé. Soumets-toi à Allah qui t'a fait venir sur cette terre pour que tu l'adores. Allah dit dans son livre, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. Allah il nous a créé pour qu'on l'adore. Allah il nous a créé pour qu'on se soumet à lui. Allah il nous a créé pour qu'on l'adore et qu'on adore aucune personne en dehors de lui, et aucune statue et rien d'autre à part lui. Yaqulullahu azza wa jal, wa'budullah wa la tushriku bihi shay'a. Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Et Allah dit dans son livre, « وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ » Et c'est qui a la meilleure religion que celui qui a soumis son être, qui a soumis son être à Allah Azza wa Jal. Celui qui a la meilleure religion, celui qui a la meilleure de guider, c'est celui qui s'est soumis à Allah Azza wa Jal et qui lui a donné aucun associé jusqu'à ce qu'il ait rencontré Allah. Allah dit dans son livre, وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Celui qui a soumis son être à Allah Azza wa Jal et qui a été parmi ceux qui ont fait des bonnes œuvres, فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Il s'est certes accroché à l'anse la plus forte. Et Ibn Kathir dit dans son livre, la ma'na de فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى, il dit, il a pris le plus grand des sébèbes pour s'accrocher à Allah Azza wa Jal. Et Mujahid dit, Al-Urwatul Wufqa, la ilaha illallah. L'anse la plus forte, c'est la ilaha illallah. Donc celui qui s'est accroché à la ilaha illallah, jusqu'à ce qu'il a rencontré Allah, il s'est accroché au sébèbe le plus fort pour être affirmé sur sa religion et pour que Allah Azza wa Jalla yawm al-qiyamah, il soit fier de lui. Et Allah il dit aussi dans son livre, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Il dit, et c'est qui a la meilleure de parole que celui qui a appelé vers Allah Azza wa Jal, وَعَمِلَ صَالِحًا, et qui a fait des bonnes œuvres, وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, et qui a dit, certes, je suis parmi les soumis. Celui qui a dit qu'il est parmi les soumis et qui s'est soumis à Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait le contraire de ce qu'il a dit avec sa langue, il est le meilleur des hommes. Il est le meilleur des hommes auprès d'Allah Azza wa Jal. فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Allah dit dans ce verset-là, الذين آمنوا, ceux qui ont cru, ولم يلبسوا إيمانهم بظلم, et qui n'ont pas troublé leur foi, بظلم, par une injustice. Et la mana de cette injustice, c'est l'association. Comme il est venu dans le hadith de Bukhari. Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. C'est eux qui auront la sécurité dans cette vie-là et dans l'au-delà. Donc si tu veux être en sécurité dans cette vie-là de la colère d'Allah et de la punition d'Allah, la punition qu'Allah il a fait descendre sur les mécréants et sur les associateurs qui ont donné des associés à Allah, soumets-toi à Allah Azza wa Jal. Adore Allah sans lui donner aucun associé, et Allah il va te mettre dans sa sécurité dans cette vie-là. Et le jour de Yom al-Qiyamah, quand les gens seront terrifiés, ils auront peur du châtiment d'Allah, ils auront peur de l'enfer, ce jour-là, toi tu seras en sécurité auprès d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce que tu n'as donné aucun associé à Allah, tu t'es soumis à Allah seul, sans rien lui associer. Et ça c'est le droit d'Allah qu'il a sur toi. Comme il est venu dans le hadith de Mu'adh ibn al-Jabal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, Ya Mu'adh, atadri ma haqqullah ala al-ibad, ou ma haqqu al-ibadi ala Allah, qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Mu'adh, est-ce que tu sais c'est quoi le droit d'Allah sur les serviteurs, et c'est quoi le droit des serviteurs sur Allah? Mu'adh, il a dit, Allah et son messager sont plus savants. Il a dit, haqqu al-ibadi ala Allah, ay ya'budu. Il a dit le droit d'Allah, que Allah il a le droit qu'il a sur nous, c'est qu'on l'adore sans lui donner aucun associé. Et comme on a dit, c'est pour ça qu'Allah il nous a créé. Allah il nous a créé pour qu'on l'adore sans rien lui associer. Et si Allah il a créé, il a descendu ses livres, il a envoyé ses prophètes, c'est pour cette chose-là, pour qu'on l'adore sans rien lui associer. Allah dit dans son livre, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبِلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ. Allah dit dans ce verset, on n'a pas envoyé un messager avant toi sans qu'on lui a révélé أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا, il n'y a pas d'autre divinité digne d'adoration si ce n'est que moi, فَعْبُدُونَ, donc adorez-moi. Allah il a envoyé ses prophètes pour qu'ils appellent les gens à adorer Allah sans rien lui associer. Il a descendu ses livres aussi pour appeler les gens à l'adorer, pour ordonner les gens à l'adorer sans rien lui associer. Allah il dit dans son livre, Inna anzalna ilayka al-kitaba bil-haq fa'budillaha mukhlishan lahu ad-din. Allah il dit, et j'ai fait descendre le livre vers toi par vérité, donc adorer Allah en lui vouant un culte exclusif. Donc si Allah il a envoyé ses livres, il a envoyé ses messagers, c'est pour qu'on l'adore sans rien lui associer. Et si Allah aussi il a créé les cieux, il a créé la terre, il a créé ce qu'il y a dans la terre, et ce qu'il y a dans les cieux, et ce qu'il y a entre les cieux et la terre, c'est pour qu'on l'adore sans rien lui associer. يقول الله عز وجل وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا. Allah il dit, on n'a pas créé les cieux et la terre et ce qui est entre les deux en vain. Allah, il n'a pas créé ces choses-là comme ça. Il n'a pas créé ces choses-là en vain. Il a créé les cieux et la terre et ce qui est entre les cieux et la terre pour qu'on l'adore, pour qu'on voit son immensité, pour qu'on voit sa force, pour qu'on voit sa puissance et qu'on se soumet à lui sans rien lui associer. Allah il dit dans son livre: Inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha fi sittati ayyam thumma istawa 'ala al-'arsh yudabbiru al-amr ma min shafi'in illa min ba'di idhnihi dhalikum Allahu rabbukum fa'buduhu afala tadhakkarun. Allah il dit: votre Seigneur, c'est celui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours qui s'est élevé sur le trône. Inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal-ard fi sittati ayamin thumma istawa 'ala al-'arsh yudabbiru al-amr. C'est lui qui détient l'ordre. Yudabbiru al-amr ma min shafi'in illa min ba'di idhni. Il y a personne qui fait intercession à part par sa volonté. Ma min shafi'in illa min ba'di idhni dhalikum Allahu rabbukum fa'budu. C'est lui Allah votre Seigneur, donc adorez-le. C'est lui Allah votre Seigneur, donc adorez-le. Allah, c'est lui qui a créé les cieux. C'est lui qui possède le trône, donc c'est lui qu'on doit adorer, Allah Azza wa Jal. Il n'y a personne d'autre qui mérite d'être adoré si ce n'est que lui, car c'est lui qui a tout créé et c'est lui qui nous a créés et personne d'autre nous a créés. Allah Azza wa Jal yaqul: Allahu khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakil. Allah dit dans son livre que c'est lui qui est créateur de toutes choses et c'est lui qui est garant de toutes choses. Allahu khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakil. Donc si c'est lui qui a créé toutes choses et c'est lui qui est garant de toutes choses, c'est lui qui mérite d'être adoré et personne d'autre. Wa yaqul Allahu azza wa jalla fi kitabihi al-karim. Yaqul Allahu azza wa jalla fi kitabihi al-karim: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi qu'on adore et c'est à toi qu'on demande l'aide. Donc si on s'est soumis à Allah Azza wa Jal, on doit être raffermé sur cette chose-là jusqu'à ce qu'on rejoigne Allah Azza wa Jal. Et parmi les choses qui font partie des choses qu'on doit vouer à Allah dans son adoration, il y a al-isti'adha, le fait de demander protection à Allah. Yaqulu Allah Azza wa Jal: wa idha qara'ta al-Qur'an fasta'idh billah innahu huwa as-sami'u al-'alim. Et quand tu lis le Coran, demande la protection à Allah, car c'est lui qui entend et c'est lui le savant. Et parmi les choses aussi qui font partie de l'adoration à Allah, qu'on doit louer à lui, qu'on doit vouer à lui et à personne d'autre, et l'isti'ana, le fait de demander l'aide. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi qu'on adore et c'est à toi qu'on demande l'aide. Et parmi les choses aussi qui sont obligatoires sur nous et qu'on doit vouer à Allah Azza wa Jal et à personne d'autre, il y a le tawakkul, le fait de placer sa confiance en Allah Azza wa Jal et à personne d'autre. Allah dit: wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Et c'est Allah que vous devez placer votre confiance si vous êtes des croyants. Si tu es vraiment un croyant, si tu crois vraiment à Allah Azza wa Jal, c'est en lui que tu dois placer ta confiance. Donc si tu as appliqué ton tawhid et que tu t'es vraiment soumis à Allah Azza wa Jal, sache que tu seras vraiment raffermé sur ta religion. Car le tawhid, c'est la base de toutes les adorations. Il n'y a aucune adoration qui sera acceptée auprès d'Allah sans qu'elle soit basée sur le tawhid, l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Allah dit: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Allah dit: on leur a ordonné que d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif. Et cette chose-là, le fait de louer un culte exclusif à Allah, c'est la chose qu'il a ordonné même à ses prophètes, de se soumettre à lui en lui vouant un culte exclusif, en lui vouant un culte exclusif et lui donner aucun associé. Allah dit en parlant d'Ibrahim: Il qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Allah dit, et quand on lui a dit soumets-toi, dans le sens du verset, quand Allah a ordonné au prophète Ibrahim de se soumettre, qu'est-ce qu'il a dit Ibrahim? Qala aslamtu li rabbil alamin. Il a dit: je me soumets au Seigneur de l'univers. Ibrahim, qui est l'imam au tawhid, l'imam des gens du tawhid, il a dit: aslamtu li rabbil alamin, je me soumets au Seigneur de l'univers. Et Ibrahim, cette chose-là, il l'a conseillé aussi, il a ordonné à ceux qui allaient venir après lui parmi ses enfants et à Yaqub. Allah dit: wa wassa bi Ibrahim bani wa Yaqub ya bani inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah dit dans ce verset: il nous montre dans ce verset que Ibrahim, il a conseillé ça à ses fils qui allaient venir après lui et à Yaqub. Il l'a dit, Inna Allah astafa lakum ad-din. Allah vous a choisi cette religion. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Donc ne mourrez qu'en étant des soumis. Il a ordonné à ses enfants et à Yaqub de mourir qu'en étant des soumis. Et Allah aussi dit, en parlant de ce prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur des prophètes, qui est le meilleur des prophètes, il dit, قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. Il dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dis-leur, il m'a été ordonné d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif. وأمرت أن أكون من المسلمين. Il m'a été ordonné aussi d'être parmi les soumis. قل إلا أعبد مخلصا له الدين. وأمرت أن أكون من المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. Dis, et certes j'ai peur, si je désobéis à mon Seigneur, d'une punition d'un jour terrible. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il a eu peur de désobéir à Allah, ça veut dire d'adorer autre qu'Allah. قل إني أخاف إن عصيت ربي. Allah lui a ordonné d'adorer que lui et d'adorer personne en dehors de lui. C'est-à-dire même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'imam, le meilleur des prophètes, et Ibrahim, qui est l'imam du tawhid, l'imam des gens du tawhid, eux-mêmes ils avaient peur pour eux de donner un associé à Allah Azza wa Jal. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, قُلْ إِنَّا خَافُ إِنَّ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلْ إِلَّا أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي فَعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِي. Et il dit encore le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est Allah que j'adore et c'est à lui que je voue un culte exclusif. Donc le prophète Mohammed sallam, c'est notre exemple, et Ibrahim alayhi salam, c'est notre exemple. On doit les suivre dans l'unicité, de l'unicité qu'ils ont donné à Allah. Ils ont adoré Allah sans rien lui donner, aucun associé. On doit les suivre dans ce chemin là et donner aucun associé à Allah Azza wa Jal jusqu'à ce qu'on le rencontre. Et celui qui donne un associé à Allah Azza wa Jal, يوم القيامة comme on a dit, il sera parmi les perdants. Allah dit, قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. Allah dit dans ce verset là, قل إن الخاسرين, dit certes les perdants, الذين خسروا أنفسهم, ceux qui ont donné la perte, qui se sont donné la perte sur eux-mêmes, وأهليهم يوم القيامة, et à leur famille le jour de la résurrection. Ala dhalika huwa al-khusran al-mubin. Khusran al-mubin. Certes, ce sera la vraie déperdition. Ces gens-là, ils ont donné des associés à Allah. Ils ont adoré autre qu'Allah. Ils sont soumis à autre qu'Allah. Ils ont demandé la protection à autre qu'Allah. Ils ont demandé l'aide à autre qu'Allah. Donc Allah, il est l'ami parmi les perdants yawm al-qiyamah. Donc nous, on doit faire les causes pour pas être parmi ces gens-là le jour de la résurrection, pour que Allah il nous élève au milieu de toutes les créatures. Car les meilleurs des créatures, c'est ceux qui se sont soumis à Allah Azza wa Jal. Allah est dit dans ce verset, ou dans un verset, وَمَا أُمِرُوا, on leur a ordonné, وَمَا أُمِرُوا إِلَا لِعْبُدَ اللَّهُ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينِ. Allah est dit dans ce verset, on leur a ordonné que de adorer Allah en lui vouant un culte exclusif. Et Allah est dit dans un verset aussi, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لكلمات الله ذلك الدين القيم. Allah dit dans ce verset, فأقم وجهك للدين حنيفا. Et soumets ton être à la religion, de la religion de la droiture. فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها. Et cette religion là, le fait d'adorer Allah sans lui associer, c'est la nature sur laquelle Allah il a créé tout homme. Il a créé sur cette nature là d'adorer Allah sans rien lui associer. Et si tu t'es soumis à Allah Azza wa Jal, tu t'es soumis à Allah Azza wa Jal sans lui donner aucun associé, jusqu'à ce que la mort, elle est venue vers toi, comme Allah il a dit, Ya ayyuha alladhina amanu, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah dit dans ce verset là, Ô vous qui avez cru, craignez Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Et ne mourrez qu'en étant des soumis, t'auras la victoire yawm al-qiyama. Et même si t'as fait des péchés qui sont grands comme les montagnes, sache que Allah, si tu lui as donné aucun associé, Allah il est capable de te pardonner. Car Allah, c'est lui le pardonneur. Allah, il dit dans un verset, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah, il ne pardonne pas à ce qu'on lui donne un associé. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Et il pardonne à qui il veut en dehors de ça. Donc celui qui a fait tous les péchés, qui a fait des grands péchés ou des petits péchés, mais qui n'a pas fait d'association, Allah, il est capable de lui pardonner et Allah, il va lui pardonner. Et ça parmi les gens du paradis. Et il y a pour toi une bonne nouvelle dans le hadith. Dans le hadith qui s'appelle le hadith al-bitaqa, le hadith qu'on appelle le hadith al-bitaqa, qui est rapporté, le hadith al-bitaqa qui est rapporté par Abdullah ibn Amr ibn al-As, le prophète sallam, il dit qu'il y a un homme, yawm al-qiyama, qui va venir avec des feuilles remplies de péchés comme les montagnes. Et Allah, il va lui dire, est-ce que mes anges, ils ont été injustes avec toi? Il va dire non. Il va dire, est-ce que ceux qui ils ont écrit, ils ont été injustes avec toi? Il va dire non. Il a dit, est-ce que tu as une excuse auprès de nous? Il va dire non. Allah, il va dire, si tu as une excuse. On va lui ramener une carte où il y a marqué La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. On va lui ramener une carte sur laquelle il y aura marqué La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Et cet homme-là, il va être étonné. Il va dire, mais qu'est-ce qu'elle va faire cette carte à côté de tous ces péchés-là que j'ai fait? Toutes ces feuilles qui sont remplies de péchés qui sont hautes comme des montagnes. Et on va poser cette carte-là sur la balance. Et on va poser ces feuilles de péché sur la balance. Et c'est la carte où il y a marqué La ilaha illallah wahdahu la sharika lah qui va peser le plus lourd. Car il n'y a rien qui pèse plus lourd que la parole d'Allah, que le nom d'Allah Azza wa Jal. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Donc accroche-toi au tawhid. Soumets-toi au tawhid. Soumets-toi à Allah Azza wa Jal. Soumets-toi à Allah Azza wa Jal et ne lui donne aucun associé jusqu'à ce que la mort vienne vers toi. Et tu seras parmi ceux qui se sont raffermis sur leur religion. Et tu seras parmi ceux qui seront en sécurité le jour de la résurrection. Et parmi les causes aussi qui vont te raffermir sur ta religion, c'est le fait de suivre le chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de suivre la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit dans un verset, « Wa in tuti'uhu tahtadu » Et si vous lui obéissez, vous serez parmi les bien guidés. Celui qui obéit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui suit le chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il sera parmi les bien guidés. Allah dit ولو أنه فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولا هديناهم صراطا مستقيما. Et certes, s'ils auront fait la chose qu'on leur a rappelé, la chose qu'on leur a ordonné, لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا, ça aurait été meilleur pour eux et ça aurait été un grand raffermissement pour eux. On va leur donner de notre part une grande récompense. Et on va les guider vers le droit chemin. Donc celui qui aura fait ce que Allah lui a ordonné, et Allah nous a ordonné de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de suivre sa tradition, celui qui aura fait cette chose-là, il sera parmi les bien guidés. Allah dit dans son livre, فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ceux qui auront cru au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui l'auront aidé et qui l'auront secouru, وَنَصَرُوهُ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوا وَنَصَرُوا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ, et qui auront suivi la lumière avec laquelle on l'a envoyé, أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, ils seront parmi les gagnants. Celui qui aura suivi la lumière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur laquelle il était, le chemin sur lequel le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il sera parmi les bien guidés, il sera parmi les gagnants, il sera parmi ceux qui auront réussi dans cette vie-là et parmi ceux qui auront réussi dans l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, kullu ummatin yadkhuluna al-janna illa man aba, toute ma communauté va rentrer au paradis à part celui qui aura refusé. Les compagnons, quand ils ont entendu ça, ils ont été étonnés. Ils ont été étonnés qui refuse de rentrer au paradis. Ils ont dit wa man ya'ba ya rasulullah, et qui refuse au pour messager d'Allah. Il a dit man ata'ani dakhala al-janna, celui qui m'obéit, il va rentrer au paradis. Wa man 'asani faqad aba, et celui qui m'aura désobéi, il aura refusé. Donc celui qui aura désobéi au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est comme celui qui aura refusé de rentrer au paradis. Car celui qui aura obéi au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il va entrer au paradis. Allah dit dans un verset: وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ أُولَئِكَ حَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Allah dit: celui qui aura obéi à Allah et qui aura obéi au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, il sera parmi ceux qu'Allah il a comblé de ses bienfaits. مِنَ النَّبِيِّينَ, parmi les prophètes. والصديقين et les véridiques. والشهداء et les martyrs. والصالحين et parmi ceux qui ont fait des bonnes œuvres, parmi les pieux. Est-ce qu'il y a une meilleure demeure que la meilleure de ces gens-là? Est-ce qu'il y a un meilleur degré que le degré de ces gens-là? Est-ce qu'il y a une meilleure demeure que le fait d'être avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et tous les autres prophètes, et avec tous ceux qui ont été véridiques, et avec ceux qui ont été des martyrs depuis l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de son époque et avant son époque jusqu'à nos jours? Est-ce qu'il y a une meilleure demeure que d'être parmi ceux qui ont été des bienfaisants, qui ont été pieux? Il n'y a pas d'autre meilleur que cette demeure-là. Donc suis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, suis la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et tu seras avec eux yawm al-qiyamah, et tu seras avec eux le jour de la résurrection, et tu seras avec eux dans le jannah d'Allah, dans le paradis d'Allah, que le paradis qu'Allah il a choisi pour ses croyants. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith: al-mar'u ma'a man ahabba yawm al-qiyamah, l'homme il sera pas avec ceux qu'il a aimé le jour de la résurrection. Donc toi, si tu as aimé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et tu as aimé les compagnons, et tu as aimé ceux qui étaient après eux, tu as aimé les savants qui étaient sur la sunna, tu as aimé les pieux, et bah tu seras avec eux yawm al-qiyamah si tu as choisi leur chemin et si tu as suivi leur chemin. Car même si tu les as aimés mais tu n'as pas suivi le chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que tu n'as pas suivi le chemin de ces gens-là, tu ne seras pas avec eux le jour de la résurrection. Et Allah aussi dit dans un verset: وَمَنْ يُطِعِ اللَّهُ وَالرَّسُولُ وَيَخْشَ اللَّهُ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. Celui qui a obéi à Allah et qui aura obéi au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui a été ceux qui ont craint Allah azza wa jal, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ, il sera parmi ceux qui ont réussi, il sera parmi les gagnants. Car celui qui obéit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a obéi à Allah. Allah dit dans un verset: وَمَنْ يَتَعِ الرَّسُولِ فَقَدْ أَطَعَ اللَّهِ, celui qui obéit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il aura obéi à Allah azza wa jal. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait ce que Allah lui a ordonné, il fait ce que Allah lui a ordonné et il ne désobéit pas à Allah azza wa jal. Et Allah il a ordonné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de dire aux gens de le suivre. Et si tu suis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si vraiment tu suis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est une preuve que tu aimes Allah. C'est plutôt si tu aimes Allah le prophète, si tu aimes Allah azza wa jal, et ben tu dois suivre le chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si tu aimes Allah azza wa jal et que tu l'aimes vraiment, tu dois suivre le chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand Allah a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: dis-leur, qul in kuntum tuhibbun Allah, si vraiment vous aimez Allah azza wa jal, fattabi'uni, suivez mon chemin, yuhibbukum Allah, et Allah il va vous aimer, wa yaghfir lakum dhunubakum. Donc quand toi tu vas suivre le chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu vas suivre sa sunna, ça va être une preuve que tu aimes Allah azza wa jal. Et si tu aimes Allah azza wa jal, Allah il va t'aimer. Et si Allah il t'aime, tu seras parmi les meilleures des créatures dans cette vie là et tu seras parmi les meilleures des créatures dans l'au-delà azza wa jal, et tu seras parmi les gens du paradis. Allah azza wa jal il dit dans un verset: وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولِ ومن يطع الله والرسول ومن يطع الله والرسول يدخله جنة تجري من تحتها الأنهار. Celui qui suit qui obéit à Allah Azza wa Jal et qui obéit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah il va le faire entrer dans les paradis sous lesquels il coule des ruisseaux. Donc celui qui aura obéi à Allah, il aura obéi au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il sera parmi les gens du paradis. Et il sera parmi ceux qui seront sauvés dans cette vie-là. Il sera sauvé de toutes les fitaines, de toutes les tentations et de tout mal. De tout mal. Car Allah Azza wa Jal, il dit dans un verset, Allah Azza wa Jal, il dit dans un verset: wa ati'u Allah wa ati'u Rasul wa hadharu. Allah, il dit: obéissez à Allah et obéissez au prophète Mohammed sallam et prenez garde. Prenez garde de quoi? Prenez garde de la punition d'Allah Azza wa Jal. Donc si tu as obéi au prophète Mohammed sallam et tu as suivi son chemin, tu seras à l'abri. Du châtiment d'Allah Azza wa Jal. Et écoute la parole de l'imam Az-Zuhri qui dit que les savants, parmi les savants qui étaient avant lui, ils disaient: At-tamassuk bi sunnati an-naja. Les savants qu'ils étaient avant l'imam al-Zuhri, qui lui-même était parmi les grands savants et parmi les plus prédécesseurs, il dit que les savants qu'ils étaient avant lui, ils disaient At-tamassuk bi sunna an-naja. Celui qui s'accroche à la sunna du prophète Mohammed sallam, ça sera un sauvetage pour lui, un sauvetage du châtiment d'Allah. Ça sera un sauvetage du châtiment d'Allah dans cette vie-là et dans l'au-delà. Ça sera un sauvetage pour lui de toutes les tentations et de tout mal. Car toi, tu vas marcher sur le chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et l'imam Ahmed aussi, il dit « Man mata ala l'islam wa sunna, mata ala l'khayr kulleh » Celui qui meurt sur l'islam et sur la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est mort sur tout le bien. Donc tu veux mourir sur tout le bien, sur la meilleure chose, accroche-toi à l'islam, accroche-toi au tawhid et accroche-toi à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Ibn Mubarak, il dit dans une parole, une très belle parole, il dit alam akhil muslim, et sache mon frère ان الموت كرامه ان الموت اليوم كرامه لمن لقي الله وهو على السنه. L'imam Ibn Mubarak, qui était parmi les plus prédécesseurs, il dit sache mon frère que la mort aujourd'hui, C'est une karama pour qui? Pour celui qui est mort, qui a rencontré Allah et qui était sur la sunna. Celui qui a rencontré Allah sur la sunna, c'est une karama, c'est une chose immense, c'est une chose magnifique, c'est la meilleure des choses que celui qui a rencontré Allah et qui était complètement soumis à Allah Azzawajal en suivant le chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc suis le chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ne suis aucun chemin. Et regarde aussi la parole qu'Abu Bakr Siddiq dit. Il dit لست تاركا شيئا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل به. Je ne laisserai jamais une chose que le prophète صلى الله عليه وسلم il faisait. لست تاركا شيئا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل به إني أخشى إن تركت شيئا من أمري أن أزيغ. Le compagnon Abu Bakr Siddiq il dit je ne laisserai jamais une chose que le prophète صلى الله عليه وسلم il faisait, et j'ai peur de lécher une seule chose que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il faisait, que mon cœur il s'égare. Il avait peur de lécher un ordre. Il n'a pas dit toute la traduction du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit un ordre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et que mon cœur il s'égare. Donc tu vois dans cette parole là comment les plus prédécesseurs parmi les compagnons aussi qui étaient après eux, comment ils étaient durs sur le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on regarde la parole aussi de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Il dit aussi Omar radiyallahu anhu, la nada'a shay'an kana na'malu bihi ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. On ne laissera jamais une chose qu'on faisait à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on regarde la parole aussi de Ali radiyallahu anhu. Il dit lestu ada'a shay'an من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد. Le prophète, le compagnon Ali رضي الله عنه, il dit لست أدع شيئا, je laisserai jamais une seule chose, شيئا لست أدع شيئا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد, je laisserai jamais une chose que le prophète صلى الله عليه وسلم il faisait pour la parole d'une autre personne. Donc tu vois les compagnons parmi les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr et Omar et Ali radiyallahu anhum, comment ils étaient durs sur le fait de suivre le chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc sois comme eux et tu seras avec eux le jour de la résurrection. Tu seras raffermi dans cette vie-là et dans l'au-delà. Allah a dit يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Allah a dit يثبت الله الذين آمنوا. Allah a raffermi les gens, il raffermit les croyants bil qawli thabit, par la parole raffermie bil qawli thabit fil hayati dunya ou fil akhira, dans cette vie là et dans l'au-delà. Allah il va te raffermir, Allah il va te sauver de son châtiment, Allah il va te couvrir de sa miséricorde si tu as suivi le chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce que la mort elle est venue vers toi. Et parmi les choses aussi qui vont t'aider, parmi les choses aussi qui vont t'aider à suivre le chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui vont t'aider à être raffermi sur ta religion et qui vont t'aider à être parmi les soumis sur ta religion, c'est le fait de patienter sur ces deux choses-là. Que tu patientes sur le tawhid et tu patientes sur la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et si tu as fait ça, Allah va te récompenser. Allah dit innama yufassabiruna ajrahum bighayri hisab. Certes, Allah va donner la récompense de ceux qui ont été patients sans limite. Donc si tu as patienté, car le fait de suivre le tawhid, de s'accrocher au tawhid et de s'accrocher à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il faut de la patience. Car les gens vont te faire du mal, les gens vont t'insulter, ils vont dire t'es un égaré. Et regarde quand Allah il a ordonné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'appeler les gens au tawhid et qu'Allah il a su que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens vont lui faire du mal et qu'ils vont l'insulter. Ils vont lui faire des choses, les choses mal. Allah il a dit et pour ton Seigneur, patiente. Pour ton Seigneur, patiente sur le tawhid. Pour ton Seigneur, patiente sur la sunnah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et tu seras parmi les vainqueurs, parmi les gagnants dans cette vie-là et dans l'au-delà. Allah il dit inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim al-malaika. Ceux qui ont dit Allah est notre Seigneur, et qui après ça ils se sont tenus sur le droit chemin, tatanazzalu alayhim al-malaika, les anges ils vont venir vers eux, et ces gens là c'est les anges de la miséricorde. Tatanazzalu alayhim al-malaika alla takhafu wa la tahzanu, les anges ils vont leur dire n'ayez pas peur de ce qui va vous arriver, n'ayez pas peur de où vous allez aller, alla takhafu wa la tahzanu, et ne soyez pas pris de tristesse pour ce que vous avez laissé, pour ce que vous avez laissé derrière vous. Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum ta'adun, et ayez la bonne nouvelle du paradis qu'on vous a promis. Nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya, et certes on est vos alliés dans cette vie là. Nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi al-anfus lakum fiha ma tad'un, et certes vous aurez tout ce que vous voulez dans ce paradis là. Donc si tu as dit que Allah c'est ton Seigneur et que tu t'es soumis à Allah Azzawajal et que tu as suivi le chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce que la mort elle est venue vers toi, et la bonne nouvelle du paradis d'Allah et la bonne nouvelle de la miséricorde d'Allah Azzawajal, et sache que tu seras parmi les vainqueurs, parmi les gagnants de cette vie là et dans l'au-delà. Et Allah a dit dans son livre alladhina qalu rabbuna Allah ثم استقاموا, Allah a dit ce qu'ils ont dit, Allah est notre Seigneur. Donc quand tu as dit cette parole là et que tu t'es soumis à Allah, accroche-toi à cette parole là. Accroche-toi à la ilaha illallah. Accroche-toi à la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Accroche-toi à la parole la ilaha illallah et à la parole Muhammad Rasulullah. Et suis le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Accroche-toi à sa sunna jusqu'à ce que la mort vienne vers toi. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit au compagnon Hudhayfa bin Yaman, quand Hudhayfa bin Yaman il lui a dit, mais s'il n'y a pas d'imam, il n'y a pas de jama'a, ça veut dire il lui a dit, il n'y a personne qui est sur droit chemin, il n'y a aucun groupe qui est sur droit chemin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, وَلَوْ أَنْ تَعُضَّ عَلَى أَشْلِ سَجَرَةٍ وَلَوْ أَنْ تَعُضَّ عَلَى أَشْلِ سَجَرَةٍ. Donc même si tu dois t'accrocher à un arbre, donc même si tu dois être tout seul sur le chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, accroche-toi jusqu'à ce que la mort vienne vers toi. Et prends la parole de Ibn Mas'ud qui dit Al-jama'a ma wafaq al-haq wa in kunta wahdak. Le groupe, c'est celui qui suit la vérité, même si tu es tout seul. Même si tu es tout seul et que tu es sur le chemin du prophète sallam, et la bonne nouvelle d'Allah Azza wa Jal, que tu seras parmi les gagnants. Al-ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Ceux qui ont dit Allah est notre Seigneur et qui se sont mis sur le droit chemin et qui se sont accrochés sur le droit chemin jusqu'à ce que la mort elle est venue vers eux. Et on demande à Allah Azza wa Jal de nous raffermir sur sa religion et sur la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce que la mort vienne vers nous. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.